sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. En savourant votre café, C'est un super prix. En faisant mijoter un bœuf bourguignon, c'est un super prix. Ou même en fabriquant une machine à remonter le temps. Sacrebleu, messire, que les prix sont bas. Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Au moment où je pars pour Genève, je viens de voir dans la presse que le jour où nous sommes était l'anniversaire de l'éclatement de la première bombe atomique. Cette géniale et terrible invention a pu un certain temps, par la crainte qu'elle inspire, paraître contribuer à l'équilibre des forces et par là au maintien d'une paix relative. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voilà plus de 60 ans déjà que la dissuasion nucléaire est installée au cœur de la stratégie militaire de notre pays. C'est en février 1960 que la première bombe A française a explosé au Sahara, suivi en août 68 par la première bombe H thermonucléaire en Polynésie. Depuis lors, les équilibres ou les déséquilibres de la planète ont été profondément modifiés. Le système bipolaire de la guerre froide a laissé place à une multipolarité qui nourrit des angoisses nouvelles et qui appelle sans relâche une adaptation à un paysage international redevenu si mouvant. Il s'agit là d'une question qui dépasse largement le monde militaire, elle est diplomatique bien sûr, mais tout autant économique, politique et morale. Il serait donc insupportable que les citoyens cèdent à la tentation de déléguer aux seules armées la responsabilité d'une réflexion qui ne concerne rien de moins que la pérennité même de la nation. Et comme toujours, le regard historique peut contribuer à éclairer l'enjeu. Si l'on remonte en amont jusqu'aux origines même de ce grand effort, on peut bousculer diverses idées reçues sur les acteurs et sur les péripéties. Tel est donc le récit que nous allons esquisser ce matin. J'ai convié pour ce faire la compétence de Louis Gauthier. Il a été notamment, entre 2014 et 2018, à la tête du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Professeur associé à la Sorbonne, il y a fondé la chaire intitulée « Grands enjeux stratégiques contemporains ». Il vient enfin de diriger le quatrième et dernier tome d'une belle entreprise éditoriale intitulée « Mondes en guerre ». Il y démontre pleinement les avantages d'une profondeur de champ pour qui cherche à mieux évaluer les adaptations auxquelles la France va se trouver dans ce domaine vital nécessairement confronté. La France, avec ses moyens et sans outrecuidance, a cru devoir entrer dans la voie qui lui procurera l'armement, il faut bien le dire, nécessaire pour être elle-même. En même temps, elle fait ainsi la démonstration de son propre progrès scientifique et technique. C'est une démonstration que la France a faite de ce qu'elle vaut. Elle ne veut pas le faire, bien entendu, pour menacer personne et certains clans plus ou moins hystériques qui nous accuse de vouloir, avec une 200e expérience, alors qu'ils n'ont rien dit pour les 199 précédentes, qui nous accuse de vouloir empoisonner l'humanité. Cela, nous ne leur opposons, bien entendu, qu'une vaste ironie. Mais il faut que la France prenne conscience de ce que cela vaut pour elle et de ce que cela lui donne de force pour entrer plus avant encore dans les grandes délibérations, d'où je le crois et je le veux, sortira la paix du monde. Je suis sûr que vous avez reconnu l'orateur. Je vous ai proposé le général de Gaulle s'exprimant à Narbonne dans une tournée dans les régions le 26 février 1960. On est là 15 jours après l'explosion de la première bombe A française. Et d'emblée, il nous montre que les aspects militaires rejoignent aussitôt la recherche de la paix, que c'est absolument indissolublement lié. Oui, pour le général de Gaulle, l'accès à la puissance nucléaire, c'est d'abord une restauration du statut international de la France, sa possibilité de compter, notamment comme membre permanent du Conseil de sécurité. La France était le seul membre permanent du Conseil de sécurité à ne pas disposer, avec la Chine, qui viendra juste après, de la dissuasion nucléaire. Dans cet extrait, il y a un point qui m'a intéressé, c'est les 200 essais qu'il évoque. Évidemment, c'est pas 200 essais français. Ce qu'il veut mettre en cause, c'est les essais américains, russes, anglais, qui ont, dans le passé, à partir de 45, contribué à l'édification dans chacun de ces pays d'une force nucléaire. Ce qui ne dit pas tout à fait là, mais ce qu'on verra, ce qui est un point essentiel de la doctrine gaullienne en matière de dissuasion, c'est effectivement que cette arme va aussi avec l'indépendance nationale, l'autonomie de décision de notre pays. C'est complètement articulé en réalité, à la fois comme base, comme pilier de notre politique de défense, puis on en parlera peut-être aussi comme un élément de la Ve République, les institutions, le chef de l'État. On n'est encore qu'en 60, et puis il y aura le référendum de 62, et donc l'élection au suffrage universel du président de la République, qui est dans ce domaine le maître du feu nucléaire, pouvoir civil. On a même dit, certains ont dit que s'il s'est représenté en 1965, c'est parce qu'il voulait non seulement passer de la bombe A à la bombe H, mais pouvoir signifier que le feu suprême était dans les mains du chef de l'État, lui-même investi par le peuple tout entier. Oui, le chef de l'État en France, c'est le chef des armées sous la Ve République. Et il est celui qui détient la foudre nucléaire. C'est un pouvoir qui est exclusif et qui fait partie de l'incarnation présidentielle. Rappelez-vous, Mitterrand qui a fait une conversion. Au départ, il n'était pas complètement convaincu par la dissuasion nucléaire. Ira jusqu'à dire la dissuasion nucléaire, c'est le président de la République, c'est moi. Donc cette idée que de certains théoriciens que la Ve République, c'est une monarchie nucléaire dans ce domaine. Et dans le même temps, on ne peut que constater, c'est une surprise pour certains, que c'est un des domaines où la Ve République s'inscrit en fait dans la continuité de la Quatrième et même de la fin de la Troisième République. Ce sur quoi évidemment les gaullistes ont très peu insisté. Vous avez raison, c'est le grand escamotage. C'est-à-dire qu'en réalité cet essai n'aurait pas été possible si Félix Gaillard n'avait pas décidé d'une campagne d'essai, de programmer une campagne d'essai, et surtout si à partir, alors 45-46, c'est quand même le gouvernement provisoire et le général de Gaulle qui vont constituer le CEA, qui va être l'organisme porteur des problématiques d'énergie nucléaire, et puis plus tard, avec la création de ce qui deviendra la DAM, de la dissuasion nucléaire. Mais donc c'est la DAM, la Direction des Applications Militaires. Je protégerai nos auditeurs contre les acronymes. Oui, il faut. Et donc, en réalité, si on regarde bien les décisions de Félix Gaillard, les décisions de Pleven, les décisions d'Edgar Faure, les décisions de Mendès France, là aussi, qui peuvent être une surprise, vont conduire au fait qu'un programme secret sous la 4e République existera, essayant que la France récupère des capacités qu'elle avait avant la Seconde Guerre mondiale dans ce domaine de la physique nucléaire et éventuellement aussi dans le domaine de ses applications militaires. Avant la Seconde Guerre mondiale, et de fait, il faut remonter encore plus loin que vous ne le faites, Louis Gauthier, remonter aux années 38-39, parce que on s'aperçoit que il y a là une origine française, on ne dirait pas qu'il faut se hausser du col pour autant, mais il est intéressant de le rappeler, une origine française au développement de l'arme atomique. Rappelez-nous ça. C'est la grande aventure des physiciens, Poincaré, Becquerel, Curie, ensuite Irène et Joliot-Curie. Donc il y a toute une tradition en réalité de physiciens qui vont faire qu'il y a une école de la physique nucléaire particulièrement brillante en France. Et puis vous avez raison, avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939, une équipe de physiciens, dont Frédéric Joliot-Curie, mais Perrin, vont déposer, après un article publié dans Nature, trois brevets, dont un brevet secret, Deux qui concernent plutôt l'usage de la physique nucléaire à des fins de création énergétique. Et puis un brevet secret sur les capacités à définir un explosif de nature militaire. Le perfectionnement des charges explosives. Voilà. Et donc ça, c'est un brevet qui est resté secret. Et donc les Français sont en réalité, font course en tête dans ce domaine, bien devançant les Anglo-Saxons nettement, et devançant aussi les Allemands. Il y a une course effrénée à l'atome et à ses éventuelles applications militaires. D'ailleurs, Joliot-Curie, qui est un des grands savants de l'époque, rappellera après la guerre, avec quelques fiertés nationales, cet épisode et cette origine française. Il le fera depuis l'Arquest, en Bretagne, en face de l'île de Bréa, qui est un lieu intéressant à considérer, puisque le hasard a fait, a fait que se sont rassemblés là un certain nombre de savants éminents. Il y avait même des littéraires, Seignobos ou Chavannes, mais il y avait surtout Langevin, Curie, les Perrin, père et fils, Morin, le mathématicien. C'est une sorte de Sorbonne plage, comme on l'a dit à l'époque. Et c'est un point de départ qui mérite d'être rappelé. Ouais, d'abord, ça montre, je dirais, le caractère en réalité d'origine très diverse de ces savants, qui sont une bande d'amis dans cette tempête que va être la guerre et ensuite dans cette aventure nucléaire. Hein. Kowarski, Hans Albahn, Perrin, etc. Et d'une certaine manière, ils vont être... Enfin, on va leur subtiliser en partie leur invention, parce que ce sont des gens qui ont une haute conscience de ce qui est en train de se passer. On le verra pendant la guerre. Certains vont partir en Angleterre. En Angleterre, ils vont partir au Canada ou aux États-Unis et ils vont donner une partie de leurs connaissances nucléaires aux Britanniques et aux Américains qui vont les exclure. Tout en étant exclus du projet Manhattan. Voilà, qui vont les exclure du projet Manhattan, parce qu'au départ, ils coopèrent avec les Britanniques. Les Britanniques forment un projet avec les Canadiens. Là, ils sont encore associés au Québec. Et puis, le projet Manhattan, l'accord entre Churchill et Roosevelt, c'est en réalité une confiscation de la bombe par les Anglo-Saxons, et qui, jusque d'ailleurs, même après la guerre, vont faire en sorte que les brevets, les secrets qui auront été accumulés dans ce projet Manhattan, ne soient pas redonnés à leur allié français. Donc, il y a une part aussi de frustration par rapport à la coopération scientifique qu'ils avaient acceptée face à la guerre, face à la nécessité de défaire le Reich, les fascistes, les puissances fascistes, etc. Cette frustration se nourrit aussi du rappel d'un épisode qui a été célébré dans un film fameux, 1948, la bataille de l'eau lourde, l'épisode de 1940, où en Norvège, les responsables, très secrètement, vont chercher ce produit indispensable au développement de leur projet. C'est un film de Dreyville, mais alors c'est une aventure extraordinaire. Alors, les expérimentateurs français avaient besoin, en réalité, d'eau lourde, qui sert de modérateur dans les expérimentations nucléaires. Et donc, cette eau lourde, elle était fabriquée en Norvège, du côté d'Oslo, par une société qui était d'ailleurs, je crois, franco-norvégienne. Et on redoute qu'une seule chose, c'est que les Allemands mettent la main sur ce stock d'eau lourde, c'est-à-dire en réalité d'oxyde de deutérium. Et à ce moment-là, Daudry, qui était le ministre de l'armement... C'est un grand homme, celui-là. Ah oui, c'est un grand homme, parce que ça fait partie de ces... Voilà, il y a comme ça des lignées de hauts fonctionnaires, experts, ministres. Il a été ministre de l'armement, il était directeur des chemins de fer, ministre de l'armement, administrateur du CEA plus tard. Au moment de la débâcle, il est membre du gouvernement de Renault, au moment de l'effondrement du CEA à Bordeaux. Et il est un de ceux qui est du clan de ceux qui voudraient résister, qui ont été défaits. Oui, et alors il décide à ce moment-là, à toute vitesse, d'envoyer un convoi en Norvège pour récupérer ce stock d'eau lourde. C'est une aventure assez prodigieuse et qu'il raconte lui-même en 48 à l'occasion du film que nous évoquions. Je voudrais vous faire entendre la voix de Raoul Daudry. C'est un hommage nécessaire. L'officier arriva le 3 mars à Oslo, négocia avec le docteur Robert, se mit d'accord avec lui, et en lui parlant de recherche scientifique entreprise par le professeur Joliot-Curie, et il laissa dans l'ombre, dans ce premier entretien, l'utilisation de guerre entrevue en France, et se borna à entretenir son interlocuteur des développements prodigieux qu'il était permis d'envisager dans le domaine industriel pour le temps de paix. Et revint 4 jours après, lui révéla la portée possible Der Surf poursuivit au point de vue de la conduite de la guerre elle-même. Monsieur Aubert en fut vivement ému, mais déclara que sa résolution n'en était que renforcée. Veuillez dire à votre gouvernement que ma société ne veut pas recevoir un centime jusqu'à la victoire de la France pour le produit que vous allez lui apporter. Quant à moi, je sais que si l'expérience dont vous m'avez entretenu réussit, et si plus tard, par malheur, la France devait perdre la guerre, je serai fusillé pour avoir fait ce que je fais aujourd'hui, mais c'est une fierté pour moi de courir ce risque. Les Allemands, ils n'étaient au courant de rien, et nous avons pu recevoir nos bidons d'eau lourde à Paris, puis quand nous avons quitté Paris, au mois de juin, on les a dirigés sur la prison d'Orion, puis enfin, ils ont été expédiés en Angleterre. C'est avec cette eau lourde que les savants anglais ont continué à travailler, aider des savants français en 40 et 41. Et ultérieurement, Air Surf ont été poussés en Amérique avec les résultats que l'on sait. La course avait été engagée en 1940, elle a été gagnée sur l'Allemagne de plusieurs longueurs en 1945. Oui, alors on peut rendre aussi hommage aux hommes de l'ombre, aussi aux inconnus de cette histoire. Pas tout à fait inconnus, comme Jacques Allier, qui était simplement un officier de réserve du service des poudres au cabinet d'Autry, qui va être le négociateur de toute cette affaire. Dans ces moments d'histoire fracassants, il y a tout d'un coup des hommes qui se trouvent, par les circonstances ou par leur tempérament, très engagés dans des aventures qui ont été alors décisives sur l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Ils sortent des séries ordinaires, comme aurait dit De Gaulle. Absolument. Et qui ont évité que les Allemands, les premiers, soient en mesure de créer une bombe atomique. On comprend à entendre Raoul Dautry pourquoi Joliot Curie, après la guerre, au nom de ce petit groupe, s'est indigné que c'est juste après l'explosion de la bombe d'Hiroshima qu'on ne rende pas hommage à l'origine française de ces recherches atomiques. Il dit à un journaliste qui l'interroge sur ses terres bretonnes, « Nous sommes un peu surpris de voir que la déclaration par laquelle le président Truman a appris au monde l'existence de cette bombe ne fait pas état de la participation française et de l'origine de la découverte. » Le général de Gaulle va quitter le pouvoir en janvier 1946 et auparavant, il prend une décision essentielle qui s'inscrit dans la ligne de ce que nous avons dit, d'une certaine fierté française, c'est la création de cette instance, le commissariat à l'énergie atomique, une sorte de mélange de CNRS, de régie Renaud, et à qui on confère une capacité d'action très très autonome en marge du pouvoir exécutif et parlementaire. Oui, alors le CEA va être à l'origine, évidemment, du développement des usines de production d'énergie. Mais il va y avoir aussi, assez tôt, un programme secret qui va prendre place à l'intérieur du CEA, ce qui deviendra la direction des applications militaires. Dautry est le premier patron, suivi par Pierre Guillaumat. Voilà, exactement. Alors, il y avait à l'époque Joliot Curie qui est le haut commissaire, Dautry qui est l'administrateur général. Joliot Curie partira dans les années 50 parce que Joliot Curie est pacifiste et refuse au contraire ce développement de l'arme atomique. Tout en l'ayant, oui, c'est le paradoxe. Il signe le fameux appel de Stockholm. Absolument. Contre le développement de l'arme nucléaire. Exactement. Donc il est écarté à ce moment-là. Voilà, vous avez toute une série de responsables. Les armées sont pas complètement convaincues au départ de l'arme nucléaire. D'abord parce qu'on est dans des guerres coloniales et qu'il y a besoin que les crédits aillent aux équipements des armées en priorité. Ensuite, c'est une arme très politique. Donc, quelque part, le mode de décision fait qu'elle échappe en réalité aux états-majors pour remonter directement au pouvoir politique. Ils n'aiment pas ça, bien sûr. Il y a eu une réticence à l'égard de la dissuasion, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En même temps, l'affaire de Dien Bien Phu, la défaite de la France en Indochine, puis l'expédition malheureuse de Suez avec les Anglais, persuade une partie des militaires que, après tout, cet abandon où ils se sont sentis relégués de la part des États-Unis notamment, exige peut-être des comportements différents, stratégiques. Oui, puis il y a une concurrence interne aux armées. C'est sûr que les deux armées de la dissuasion, c'est l'armée de l'air et la marine, la sous-marina de la force océanique stratégique. Et la vieille opposition avec l'armée de terre. L'armée de terre est une armée des engagements conventionnels, même si, on le verra, justement dans un souci sans doute d'équilibre qui va venir perturber les doctrines de dissuasion françaises, on créera une arme pré-stratégique ou tactique dont seraient équipés des régiments de l'armée de terre, avec notamment les missiles Pluton et Hadès à la fin de la guerre froide. Je pense qu'aujourd'hui, pour les armées, la dissuasion est bien perçue comme un élément complètement dimensionnant du statut militaire. Dimensionnant, c'est-à-dire de Savoie. Je veux dire, on n'est pas tout à fait pareil quand on est dans le club nucléaire et quand on n'est pas dans le club nucléaire. Ça, les états-majors le savent. Par ailleurs, le chef d'état-major des armées, qui a pris une place beaucoup plus importante après la guerre froide, est évidemment un des collaborateurs directs du président de la République dans la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire. Mais enfin, il est nécessaire, avant de rejoindre cette cinquième, de rappeler une dernière fois à quel point les dirigeants de la 4e République ont pesé et compté pour soutenir le CEA dans l'obscurité de son action essentielle. Même Pierre Mendès-France, on ne le sait pas toujours, pendant les brefs mois de son pouvoir, 1954-1955, après avoir fait la paix en Indochine et avoir vu les conséquences de notre défaite dans des guerres traditionnelles, à quel point il a été important pour cet essor. Edgar Faure aussi s'en est mêlé, et même Guy Mollet, qui affichait des positions pacifistes. Il y a cette espèce de double langage qui est au service d'une certaine fierté française. Double langage, schizophrénie, constat objectif des réalités. C'est-à-dire que la France a bien vu qu'au fond, notamment dans l'affaire de Dien Bien Phu, où elle fait une demande aux Américains, et qui montre quand même que la France est à côté de la plaque dans sa demande, parce que les Américains, dès la guerre de Corée, en n'utilisant pas l'arme nucléaire, ont déjà fait basculer cette arme d'une arme d'emploi, qu'elle était encore à Hiroshima et Nagasaki, à une arme de dissuasion, par le fait qu'on ne l'emploie pas justement dans un conflit conventionnel comme la Corée. D'ailleurs, c'est l'affrontement entre MacArthur et Truman. Absolument. Le général MacArthur ayant souhaité l'usage de la bombe et Truman l'ayant destitué. Moment essentiel. Absolument. Et donc les Français, à Dien Bien Phu, se retournent vers les Américains et ensuite s'aperçoivent en réalité que ils sont décorrélés de ce qu'est le groupe de tête. Ensuite, il y a Suez avec l'abstention américaine, la menace russe. Et donc, ils voient bien que cette problématique de statut, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'arrivent pas à basculer. Il faut aussi penser, les sociétés évoluent, mais on est quand même à cette époque-là dans la société française, encore sous le choc de ce qu'a été l'horreur, le cataclysme d'Hiroshima et Nagasaki, sans évoquer René, Duras, etc. Toute cette, et donc, il y a un tabou qui est lié à cette arme très fort. Il va falloir en réalité un changement de doctrine et d'évolution pour faire que comment cet interdit qui pèse sur l'arme nucléaire va alimenter l'idée que c'est une arme d'interdiction de la guerre. Et à partir de là, d'une certaine manière, on emporte la conviction de l'opinion publique en France, pas simplement parce que c'est une arme de dimensionnement de statut international, mais parce que vraiment, à travers cette logique de dissuasion, on sanctuarise le territoire français. Et la France, qui a fait tellement de guerres à ses frontières pour consolider sa frontière, avec sa peur, enfin, toutes ces lignes Maginot réelles, toutes ces lignes de Vauban, à travers l'idée de la sanctuarisation, a enfin la protection qu'elle souhaite. Et enfin, et ensuite, à travers l'idée que c'est une arme d'interdiction de la guerre, elle comprend que c'est une arme qui peut participer à la stabilité internationale. Et la conviction se fait dans l'opinion autour des années 60, et le ralliement, notamment de la gauche, se fait à la fin des années 70. Alors le grand moment, évidemment, à quoi préside le général de Gaulle, c'est l'explosion de la première bombe atomique française, le 13 février 1960. Et je voudrais, pour nous aider à restituer l'ambiance du moment, un certain mélange de fierté, de naïveté, de début peut-être aussi d'un effroi, vous proposer ce reportage sur l'explosion de la première bombe atomique française, donc à Reagan, dans le Sahara. C'est avec une description du champignon dont je vous laisse apprécier le chromatisme. C'est un extrait de la radio française le 13 février 1960. Oh, mais que voulez-vous que je vous dise, je trouve ça très très bien. On voit un magnifique champignon. Oh, c'est formidable. Je regrette qu'il y ait un appareil de photo. Oh, ben moi. Je veux que c'était clair, sortir, c'est tout, quoi. Oui, il est clair, le champignon qui s'élève maintenant là-bas, là, dans le ciel. Un immense champignon atomique s'élève maintenant dans le ciel par-dessus les baraques. Il y a maintenant une minute que l'explosion a eu lieu. Le champignon est déjà haut dans le ciel, le sommet est blanchâtre, le bas est mauve. Et dans le jour qui se lève, c'est absolument impressionnant. En une minute, sous ce climat subtropical, en une minute, le jour s'est presque fait et l'explosion y a contribué également, puisqu'actuellement, la lueur n'a pas fini au sol. Le champignon se développe maintenant. Il s'élargit au sommet, la base se tourne légèrement vers l'est. On dirait de la neige au sommet, hein? Toujours tout mauve, mauve, mauve, et sauf le sommet blanchâtre, comme une neige qui viendrait de tomber. Eh bien, il a fallu ce temps-là à l'onde de choc pour parvenir ici. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Je vous voyais sourire, Louis Gauthier, en écoutant cette archive. Il y a un peu d'inconscience quand même, quand on voit comment les choses sont commentées, on prend une photo, on dit qu'ils ne sont pas protégés. On sait, parce qu'il y a eu des enquêtes conduites par la France, que le Sahara était quand même pollué par ces explosions. Donc, il y a une forme d'étonnement sur la manière dont l'expérience est reçue, un peu de naïveté. Et tout cela va naturellement nourrir le courant du pacifisme et l'hostilité aux armes nucléaires qui a duré à travers les années, les décennies et qui existe encore aujourd'hui. Oui, alors qu'on a retrouvé dans toute la campagne d'essai, la France fait sa campagne d'essai en Algérie, puis après la décolonisation, va transférer son centre d'essai dans le Pacifique, à Mururoa, à Fongatofa. Polynésie. Polynésie, où elle va faire encore au début, je crois, 46 expériences aériennes, et puis ensuite des expériences souterraines, sous les lagons. Mais avec, vous le savez, une forte opposition internationale, notamment des pays riverains, Australie, Nouvelle-Zélande, des oppositions qui ont été aussi manifestées à l'occasion de l'affaire de Greenpeace. Bon, mais en même temps, il faut comprendre que ces essais ont été nécessaires à la qualification de ces armes jusqu'à ce que la France puisse passer un système de simulation nucléaire. De Gaulle s'écrit dans un mot fameux lors de la première explosion. Hourra pour la France. Et il ajoute, depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière. Du fond du cœur, merci à vous et à ceux qui ont pour elle remporté ce magnifique succès. Absolument. Et fierté, c'est très important. Ça fait partie de la sensibilité, du sens de soi-même que peut avoir la nation. D'une certaine manière, ça donne acte à ce qu'on indiquait tout à l'heure sur le fait que cette aventure, elle avait été commencée par des Français, puis ensuite, leur succès leur avait été un peu escamoté. Et puis voilà, la France, l'essai, c'est la manifestation à la surface du monde de la capacité de faire. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui la même chose sur les problématiques ou coréennes ou... Voilà. Et donc, d'une certaine manière, certains diront que la voix française a été aussi une voix imitée par des pays qui sont aujourd'hui proliférants, que ce soit par exemple l'Inde pour asseoir son statut international... voire même des pays qui sont évidemment beaucoup plus problématiques parce qu'en violation de la règle internationale comme la Corée ou comme l'Iran. Ces années 60 sont également intéressantes à considérer quant à l'évolution, à la naissance et au développement d'une doctrine spécifique, d'une doctrine sur l'armement nucléaire qui est portée par un certain nombre de généraux, Castex, Beauf, Gallois, Ayret, Poirier, etc. Sur le fond d'une évolution qui est évidemment inédite. Vous nous dites dans votre beau livre « Les mondes en guerre » que la guerre n'a pas cessé de hanter le pacte social, c'est sûr, en citant Hobbes. Mais sa nature même tend à évoluer et il y a un effort de réflexion qui s'appuie sur un arrière-plan constitué souvent par Raymond Aron, qui a beaucoup écrit à ce moment-là, c'est qui a beaucoup compté. Réflexion sur le monde nouveau d'après la bombe. Alors il faut le faire entendre. Voilà ce qu'il disait sur Paris Inter le 18 décembre 1963. La diplomatie stratégie de dissuasion est devenue quelque chose de fondamentalement nouveau. Ça ne ressemble plus à la conduite des armées. Et ça n'exige pas seulement une compétence militaire technique, cela exige une espèce de compréhension psychopolitique du jeu entre des volontés, volontés armées de moyens de destruction considérables. Il y a une autre raison très simple, c'est que l'avenir de l'humanité, l'avenir de nos sociétés, l'avenir de nos enfants dépend de l'absence d'une guerre atomique ou thermonucléaire. Les guerres traditionnelles, on les laissait aux professionnels, aux spécialistes. Une guerre atomique serait une guerre qui engloutirait des sociétés entières. Il est donc normal que, pour employer une expression horrible, nous nous sentions tous concernés. Donc les deux raisons, ce sont les dimensions de ce que serait la catastrophe thermonucléaire d'une guerre totale, et d'autre part le fait que l'emploi diplomatique d'armes que l'on ne veut pas employer militairement est un jeu que les civils peuvent comprendre aussi bien que les militaires, parce que ce n'est pas le jeu traditionnel de la conduite des armées, c'est la compréhension d'un duel de volonté à coup de menaces que l'on n'exécute pas et à coup de messages qui transmettent à la fois la résolution d'agir dans certaines circonstances et le consentement à ne pas agir si l'autre s'abstient également. Si le danger n'existait pas, la dissuasion serait impossible. Pour que l'on puisse dissuader l'autre en le menaçant, il faut que la mise à exécution de la menace ne soit pas impossible. Il ne faut pas s'enfermer soi-même dans l'alternative du tout ou rien, de la paix ou de la catastrophe totale. Et c'est pourquoi il faut envisager d'avoir une conduite raisonnable ou rationnelle, même d'une guerre atomique. Cela dit, je pense que dans les prochaines années, la probabilité est que nous évitions la Grande Guerre, ce qui ne signifie pas que nous évitons toutes les formes de la violence, puisque aujourd'hui même, à la surface du globe, il y a un certain nombre de guerres, mais ce sont des guerres qui se livrent au-dessous du niveau atomique, comme le dit le général Beaufre. Peut-être qu'il y a deux victimes des armes atomiques, l'une est la Grande Guerre et l'autre la vraie paix. C'est-à-dire qu'il n'y a ni une paix de type traditionnel, ni une guerre de type traditionnel, mais quelque chose d'autre que nous sommes en train de vivre et que nous découvrons en tâtonnant. Ce qu'on découvre avec Raymond Aron à ce moment-là, ce n'est pas seulement la permanence des guerres qui sont sous la menace nucléaire, c'est aussi l'étrange situation nouvelle qui veut qu'il y ait une rationalité affirmée, je ferai ceci si vous faites cela, clair et net, et en même temps, une dose nécessaire et pérenne d'irrationalité, puisque pour se servir de la bombe, on est obligé de considérer qu'on va être soi-même détruit. Donc il faut rendre une vraisemblance à cela. Et là, on est au cœur de la réflexion stratégique des années 60, qui ensuite va s'appliquer à la France. Oui, la dissuasion, c'est sous la menace du pire, rationaliser votre adversaire et soi-même pousser jusqu'au bout de la rationalité, la capacité effectivement à toujours pouvoir réagir par une réplique en second qui détruirait l'adversaire et donc de le rationaliser. Ainsi et soi-même détruit. Détruit en abîme, c'est partiellement détruit, vraisemblablement. Mais il faut qu'à chaque fois subsiste l'idée que quel que soit le coup nucléaire qui serait porté, une réponse en réplique, une riposte, viendrait porter un autre coup et d'une nature supérieure. Alors en virtualité, il y a le réel et la virtualité, et en virtualité, faut accepter l'idée qu'on pourrait soi-même envisager d'être détruit. Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs que Aron, qui a été un de ceux qui a le plus réfléchi, je pense que sa formule, il n'y a plus de grande guerre, mais il n'y a pas de vraie paix. Elle est effectivement la situation qu'on a vécue au cours des 75 dernières années, qu'on soit dans la période de guerre froide ou post-guerre froide, et qui subsistera tant que les armes nucléaires seront encore des éléments de stabilisation interdisant une escalade entre les très grandes, les superpuissances. Avec cet effacement des frontières, non seulement entre les armes cyber, oui, bien sûr. Mais aussi la guerre classique et la guerre nucléaire. Donc l'arme nucléaire a permis de créer cette stabilité, les très grandes puissances se restreignant aller dans l'escalade des conflits conventionnels. Comme toujours, une arme, on ne désinventera pas la bombe. Les armes, en réalité, elles disparaissent parce qu'elles sont dépassées par autre chose. Et donc là, toutes les questions aujourd'hui, c'est, on a connu la pierre, le feu ou la poudre, on a le fer avant, l'atome avec ses capacités de démultiplication. On est aujourd'hui dans les guerres du bits, dans les guerres de l'intelligence artificielle, de l'électronique, etc. Et donc, est-ce que par là, il y aura un contournement des seuils nucléaires ? Bon, donc voilà, ce sont toutes les questions aujourd'hui qui viennent renouveler les doctrines nucléaires. Alors, vous avez évoqué ce qu'on appelait les généraux de l'apocalypse, Gallois, Héret, Poirier, Beaufre, et qui ont mis en place dans les années 60 et par la suite une doctrine nucléaire française chimiquement pure, c'est-à-dire forcément spécifique, c'était la dissuasion du faible au fort. C'était la dissuasion du faible au fort. La France n'accumulait pas des armes comme les Soviétiques ou les Américains, dans son concept d'ailleurs dit de stricte suffisance. Et ce qui est très étonnant, c'est que tous les concepts qu'ils ont inventés pour être applicables dans ces années de la guerre froide, la stricte suffisance, le dommage inacceptable, tous azimuts, etc., avaient une telle plasticité qu'ils ont pu être réutilisés ensuite. Je prends un exemple. Quand la France dit qu'elle a une dissuasion tous azimuts dans les années 60, 70 et même 80, c'est faux. Les missiles n'ont pas la portée d'atteindre, par exemple, la Chine, ce qui est aujourd'hui possible. Quand on disait... Parce qu'on est passé d'abord des missiles et des avions Mirage 4, ensuite aux sous-marins nucléaires, à des missiles balistiques, mais surtout à des allonges de ces missiles balistiques qui font qu'ils peuvent aujourd'hui avoir une portée de 8000 km. Quand on disait dommage inacceptable, c'était une stratégie qui était anticipée, qui était démographique, qui est visée à détruire le plus d'humains, d'individus possible. On a basculé après la guerre froide dans une logique qui vise plutôt les centres de pouvoir, les centres névralgiques, de casser l'ossature d'un pays. Donc voyez la plasticité concepts. Si on reste un instant justement à la période de la Ve République, aux années 60, il y a tout un groupe de militaires. Il faut d'ailleurs du courage à ces militaires parce que, par principe, le corps militaire n'est pas très disposé à accepter les pensées déviantes, les pensées nouvelles. C'est pourquoi Messmer crée un centre d'évaluation et de perspective dirigé par le colonel de l'Étoile. Le général Poirier, notamment, y travaille. Et c'est là qu'on réfléchit à cette originalité d'une dissuasion. On n'a pas besoin d'être aussi fort que les autres. Dès 1945, l'amiral Castex, il s'appelait Raoul, je tiens à le préciser, l'amiral Castex écrivait « La nation faible, tout autant que la nation forte, possédera des bombes atomiques en moindre quantité peut-être, mais cette considération de nombre pèse peu quand il s'agit d'engins de puissance individuelle aussi grande. Et la nation forte ne pourra pas éviter les coups de cette arme. » Oui, alors ça veut dire que même une petite puissance nucléaire peut porter un coup mortel. Bon. Et ça change tout par rapport à la guerre classique. Ah ben bien sûr. Ah ben bien sûr, parce que en réalité, l'atome est égalisateur. Et en revanche, la capacité d'égaliser les moyens du pacte de Varsovie implique de mobiliser autant d'hommes, autant de chars, autant d'avions. Et là encore, la stricte suffisance. La stricte suffisance, c'est à peu près 600 têtes nucléaires à la fin des années 80. On est passé aujourd'hui progressivement de 300 et même au-dessous de 300 têtes nucléaires en France. Et c'est pourtant le même concept de stricte suffisance, parce qu'on peut adapter l'arsenal nucléaire à la situation géostratégique globale et à l'état de la menace. Et aujourd'hui, ce qu'il importe, c'est à travers les facilitateurs à la pénétration, à travers des leurres, d'être absolument sûr de porter un coup fatal, quoi qu'il arrive, à quelqu'un qui nous menacerait de manière inacceptable, qui mettrait en cause nos intérêts vitaux. Et d'ailleurs, on vient d'annoncer, on vient d'annoncer que la nouvelle génération, la troisième génération de sous-marins lanceurs d'engins, SNLE, va être engagée avec un objectif d'être mise en service en 2036 et de durer jusqu'en 2090. Oui, on vit là sur des rythmes prodigieux, très très lents, en contraste d'ailleurs avec l'immédiateté du péril tel qu'on peut l'envisager, oui, la quantité de l'arme. Absolument. Et d'ailleurs, sur la nécessité d'avoir une classe politique qui a joué le jeu dans une adhésion globale à la dissuasion nucléaire et au consensus, et qui a fait qu'on est passé d'une première génération d'armes à une deuxième génération d'armes après la guerre froide, décisions qui sont d'ailleurs prises en cohabitation par le président Chirac et Lionel Jospin pour renouveler les armes, celles qui sont aujourd'hui en service, ce qui fait que la France est une des puissances nucléaires les plus modernisées ou les plus efficaces, même si sa taille a été réduite. Et désormais la seule dans l'Union européenne depuis le Brexit. Absolument. Et que là, la pérennité de la dissuasion implique de prendre un certain nombre de décisions. On a évoqué les sous-marins nucléaires de troisième génération, mais le SCAF qui devrait emporter aussi la nouvelle arme aérienne. Le SCAF, acronyme. Alors c'est le système de combat aérien futur, mais c'est le projet de coopération avec les Allemands pour avoir un nouvel avion de combat qui, pour la France, devrait emporter l'arme nucléaire aérienne. Dans ces années 60, il y a un autre élément de la controverse, c'est l'apparition de la riposte graduée aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que ce n'est plus le tout ou rien, mais qu'au temps de Kennedy, on commence d'inventer la possibilité de moduler la réplique nucléaire. Oui. Ce qui évidemment ne peut pas du tout convenir à un pays comme la France, qui doit annoncer le tout ou rien. Absolument. Et donc là, le général de Gaulle et d'autres seront très opposés à cette doctrine des représailles massives parce que, évidemment, chacun voit midi à sa porte. Les Américains pensaient que la représaille massive, c'était d'être dans le tout ou rien. Donc ils envisagent d'avoir une réponse qui est flexible, mais qui envisage, à partir d'un échec de la guerre conventionnelle, d'utiliser des armes tactiques. Mais on les utiliserait où ? Ben, en Europe, en Allemagne, dans le centre-Europe. Donc on comprend que les Européens, et en tout cas la France, aient des réserves par rapport à ça. Mais surtout, dans la réflexion française, c'est vous touchez. J'ai dit que la France avait une doctrine presque chimiquement pure de la dissuasion. Vous touchez au concept de dissuasion puisque vous envisagez des situations d'emploi. Et quand la France développera elle-même des armes pré-stratégiques, elle dira, attention, ces armes, elles sont là pour envoyer un signal, l'ultime avertissement, qui indiquera bien à nos adversaires qu'à partir de ce moment, la limite est franchie et qu'on va escalader dans le nucléaire. Et donc, on réinstitue complètement la logique de la dissuasion, c'est-à-dire de l'empêchement d'aller plus loin. Dans ces années 1960, c'est aussi l'apparition, mais plus lente, de la bombe thermonucléaire, la bombe H. Il n'est pas sans intérêt de rappeler, vu d'aujourd'hui, un peu le détail de la manière dont la France y a accédé, moins vite que de Gaulle, évidemment, ne l'avait rêvé, mais dans des circonstances qui commencent d'être mieux connues. Ben, c'est vrai que ça arrive dans la recherche qu'on ait un peu des bugs. Et donc, que soient les Américains, les Russes, les Britanniques, des 49 pour les Américains, 53 pour les Russes et je crois 62 pour les Britanniques. Nous, c'est en août 68 en Polynésie. En août 68 en Polynésie. Et donc, on y parvient plus tard et même presque plus tard que les Chinois. Bon, ben voilà, il y a eu un problème, un peu de retard à l'allumage. Une erreur, je pense. Et il faut dire qu'il y a eu, on apprend maintenant que grâce à des contacts assez bénévolants des Anglais, et notamment de William Cook, qui était un des responsables du programme britannique, un peu sans y toucher, à l'occasion presque de cocktails à l'ambassade chez Geoffroy de Courcelles et de mise en contact avec le général Toulouse, il aurait raconté, au fond, quelle était la voie à suivre ou à emprunter, c'est-à-dire qu'il ne livre pas. Aucun document n'est transmis. Il ne l'a pas raconté par hasard. Non, c'est... aucun document n'est... Bien sûr. Hommage au cocktail diplomatique trop rare pour que je ne le souligne pas. Non, il le fait sans livrer aucun document. Aussi à cause de la coopération avec les Américains, qui leur interdit, c'est une coopération très étroite, et qui explique les difficultés que quelquefois on peut avoir à coopérer dans le domaine nucléaire avec les Britanniques, malgré les désirs. Et donc il ne transmet aucun document, mais quelque part il va mettre sur la voie les ingénieurs français qui empruntaient une autre solution. Certains ont même dit qu'il y aurait eu une sorte de marché tacite. Vous nous laisserez entrer dans le marché commun, mais nous vous aidons d'ores et déjà. Je crois que c'est un peu fantasmatique. Et je pense quand même pour les Anglais, l'idée que la France soit dans une situation d'égalité, comme membre permanent du Conseil de sécurité, comme deuxième puissance européenne, on est quand même en plein dans la guerre froide. Hein. Donc l'accès à la bombe H pour la France est aussi un élément de peser dans le contexte stratégique face à l'Union soviétique. Ce qui conduit d'ailleurs à la grande question que Emmanuel Macron, récemment, après d'autres, a soulevée. Dans son discours, chaque président prononce un grand discours sur la défense et sur la perpétuation de l'arme nucléaire. Dans son discours de février 2020 à l'école militaire, Emmanuel Macron proposait d'engager un dialogue stratégique, je le cite, avec les autres pays européens. Et il disait « les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne ». Ça ramène aux constatations des années 60 qui sont un peu contraires. Est-ce qu'on peut aller au-delà ? Est-ce qu'on peut aller au-delà de la défense du territoire ? En tout cas, De Gaulle n'y croyait pas du tout. Non, pour De Gaulle, c'est la dissuasion nucléaire, c'est la souveraineté. Et quelque part, encore aujourd'hui, la dissuasion nucléaire est la souveraineté dans la mesure où la décision n'est pas partageable. Mais après la guerre froide, dans la nécessité de construire une défense européenne, que ce soit François Mitterrand, puis Jacques Chirac, des ouvertures vont être faites à nos partenaires, d'abord allemands, qui feront la sourde oreille, puis ensuite britanniques. Les premières coopérations avec les Britanniques sont mises en place dès le début des années 90 par Pierre Jox, l'amiral Langsade, François Mitterrand. Puis la voie sera davantage ouverte avec les accords de Lancaster House signés par Nicolas Sarkozy. On rentrera dans plus de coopération, mais on mesurera aussi un certain nombre de difficultés ou de limites pour aller plus loin. Et De Gaulle disait déjà à Perfit, n'imaginez pas que les États-Unis jamais n'engageront leurs bombes pour protéger un autre pays qu'eux-mêmes. Ça n'arrive pas. Donc il faut que ce soit le pays lui-même qui soit décidément, par le truchement de son président, son chef d'État, responsable de l'usage virtuel, si possible, naturellement. L'idée de Macron comme quoi il pourrait y avoir une dimension européenne des intérêts vitaux de la France... C'est assez difficile à considérer. Oui, mais c'est un point central pour la construction européenne et pour la défense souveraine de l'Europe que beaucoup appellent de leur vœu. Ben, c'est un point central et effectivement c'est un des points de discussion stratégique les plus difficiles. C'est que on voit pas comment, par exemple en matière de dialogue stratégique avec les Russes ou comme on l'a vu avec l'Iran, si on n'a pas soi-même le statut nucléaire, quelle légitimité on a à peser dans ces négociations? Et donc, c'est vrai que ce soit la France ou le Royaume-Uni, tant qu'ils étaient membres de l'Union européenne, leur statut nucléaire leur permettait d'aller à la table de négociation sur les grands accords de désarmement stratégique. Ça, c'est l'aspect diplomatique très important. Oui, c'est l'aspect diplomatique. Mais De Gaulle y a toujours insisté. Bien sûr, il est quand même essentiel. Alors ensuite, l'Europe était protégée par le parapluie nucléaire américain. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu une forme de tendance de la plupart des grandes puissances à resanctuariser, à renationaliser la dissuasion nucléaire. Qui ne se partage pas, en fait. Les Russes protègent plus le pacte de Varsovie et les Américains, d'une certaine manière, ont vendu le bouclier antimissile qui aujourd'hui ne peut pas fonctionner avec les nouveaux types de missiles. Qui sont hyper véloces, donc qui ont toutes les capacités d'aller plus vite que la riposte du bouclier antimissile. Et donc aujourd'hui, quelle est la nature du parapluie nucléaire américain? Donc les Français ont quand même raison de dire à leurs partenaires, d'abord nous sommes dans une unité de destin et nous considérons que l'invasion de l'Allemagne, par exemple, serait considérée comme une atteinte à nos intérêts vitaux. C'est ce que dit la France, sans demander que ses partenaires acceptent ou non ça, mais en disant la France ne peut pas imaginer de vivre dans un environnement où elle serait baba au rhum. Et donc, elle considère que la sauvegarde de l'Europe est essentielle, y compris à la défense de ses intérêts vitaux. Donc ça, elle le proclame. Elle n'a pas besoin que les autres l'acceptent. Elle dit, moi, dans mes interprétations des intérêts vitaux. Et puis ensuite, elle dit, écoutez, quand même, il faudrait peut-être qu'on ait sur cette question un certain nombre de discussions stratégiques. L'OTAN a des armes nucléaires, nous avons des armes nucléaires, le parapluie nucléaire américain, les négociations qu'on doit avoir avec les Russes, la problématique de l'Iran, tout ça concerne la sécurité des Européens. Donc il faut quand même, je pense que le président Macron, et comme avant lui Jacques Chirac, et comme avant lui Nicolas Sarkozy, et comme avant lui François Mitterrand, disent que le contexte post-guerre froide implique que les Européens soient un acteur stratégique et réfléchissent à la manière de se défendre collectivement. Certes, mais la bombe, c'est-à-dire la capacité de faire croire, puisqu'on a toujours un terme virtuel, à l'adversaire potentiel qu'on interviendra pour la défense des autres. Si la Lituanie est envahie, est-ce qu'on interviendra au risque de naufrager la France tout entière? C'est ce que De Gaulle disait aussi à propos des Américains. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est sorti de l'OTAN en grande partie. Non pas de l'Alliance Atlantique, mais de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bien sûr, c'est ce qui est au fond quand même le point d'achoppement. In fine, la décision d'employer ou ne pas employer une arme nucléaire est une décision de souveraineté. Mais là où on peut dire que collectivement les Européens doivent avoir des positions, c'est que la définition de leur environnement stratégique, de l'équilibre stratégique et la participation des armes nucléaires, qu'elles soient américaines, britanniques ou françaises, à leur propre sécurité, est une question qu'intellectuellement ils ne doivent pas fuir. La question, c'est que pour des raisons internes, domestiques, de débats, de positions, par exemple, comme les Autrichiens, qui militent pour une interdiction définitive des armes nucléaires au nom de valeurs humanitaires, il n'y a pas d'égalisation des positions européennes. Donc, nos adversaires utilisent forcément cette absence d'égalisation de la position européenne en matière de défense collective et de contribution du nucléaire à leur défense collective. On se heurte néanmoins une donnée absolument centrale, c'est le fait qu'on imagine mal qu'il y ait une capacité européenne à décider dans l'emploi de la bombe, en tout cas à vie humaine. Et donc il demeure cette réalité du caractère toujours national de la dissuasion, en dépit de tout ce qu'on peut souhaiter sur... Et vous avez raison, mais c'est pour ça que je dis que ça restera une décision, ça ne peut qu'être une décision de souveraineté, et d'ailleurs on a montré comment politiquement elle s'était construite aussi autour de la responsabilité du chef de l'État. Il n'empêche que établir un dialogue stratégique, vérifier que nos partenaires, sont bien dans les mêmes objectifs en termes de lutte contre la prolifération, en termes de limitation des armes, en termes de définition d'un équilibre stratégique européen, est quelque chose d'important. Attendez, on a bien été capable de le faire au moment de la crise des Pershing avec les Allemands face à la Russie. Donc je vois pas en quoi ce qui était possible au temps de la guerre froide ne serait plus possible aujourd'hui, c'est-à-dire avoir ce dialogue stratégique dans un monde qui a profondément changé. On est aujourd'hui dans un monde où les armes nucléaires se sont multipliées et la logique de la dissuasion probablement s'est affaiblie, puisque vous avez de plus en plus d'acteurs de ce jeu. Est-ce que craignaient les Américains de lancer froncer les sourcils devant absolument les projets français? Donc que les Européens ne veulent pas réfléchir à ce changement de portage stratégique et ce que ça implique pour eux, et quand même, relève simplement de l'aveuglement. Alors après, les solutions, elles sont évidemment à trouver. Jamais l'Allemagne ne se dotera de l'arme nucléaire, et il n'en est pas question non plus pour l'Autriche. Mais il est question de savoir comment les Européens considèrent que les armes nucléaires continuent à participer à un certain équilibrage des relations internationales dans le domaine stratégique, ou si elles pensent désormais qu'elles ne viennent pas participer à cet équilibrage. Alors c'était plus facile au temps de la guerre froide, où d'une certaine manière, équilibre international signifie équilibre nucléaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous avez des équilibres, il n'y a pas un équilibre nucléaire mondial, vous avez des équilibres régionaux, vous avez etc. Mais les Européens, en tout cas au moins déjà face à un certain nombre de problématiques, qu'elles soient russes, qu'elles soient iraniennes, doivent bien se poser la question de la manière dont ils entendent assurer leur sécurité et comment ils contribuent les armes nucléaires de leurs alliés et de leurs partenaires pour la France. Quant au caractère forcément national de toute stratégie nucléaire, on a vu de cela un exemple relativement récent. Et lorsque Jacques Chirac, dans les années 90, a insisté, a décidé de façon régalienne qu'il poursuivrait des essais nucléaires dans le Pacifique, qui évidemment suscitait, et pas seulement dans les pays riverains, beaucoup de protestations et beaucoup d'indignation. Écoutez-le s'exprimer. Je vous annonce ce soir l'arrêt définitif des essais nucléaires français. Grâce à l'ultime série qui vient d'être effectuée, la France disposera durablement d'une défense fiable et moderne. La sécurité de notre pays, celle de nos enfants, est assurée. Oh, je sais que la décision que j'ai prise en juin dernier a pu provoquer en France et ailleurs inquiétude et émotion. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir accompli l'un des premiers devoirs de ma charge en donnant à la France, pour les décennies qui viennent, les moyens de son indépendance et de sa sécurité. On était en 95, c'est-à-dire à l'anniversaire d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc c'est vrai que le moment de reprise, on comprend qu'il suscitait une certaine émotion. C'est quasiment le même mois. C'est le même mois. Il faut rappeler une séquence qu'on semble oublier aujourd'hui. C'est que François Mitterrand avait arrêté les essais en 92. Il avait suspendu, il avait prévu un moratoire. Et il avait décidé du passage à la simulation. Qu'est-ce que fait Chirac ? Il décide de dernier tir de qualification que lui demandaient les ingénieurs pour être sûr d'étalonner correctement la simulation. Bon, avait-il raison, les ingénieurs, on peut se poser la question. Mais après, il s'engouffre derrière les pas de François Mitterrand, dans le sens du désarmement. C'est-à-dire que la France, après avoir été une puissance qui a vu croître son arsenal nucléaire, est rentrée dans une logique de désarmement nucléaire post-guerre froide, donc de pacification, considérant que suppression d'une composante au plateau d'Albion, élimination de l'ensemble des forces pré-stratégiques et notamment des ADES, toute solution qu'avait prise à titre conservatoire François Mitterrand, et que Jacques Chirac prend de manière définitive, et en engageant la France, notamment comme, je dirais, le principal supporteur de deux initiatives, le traité sur l'interdiction définitive des essais, et dont on attend qu'un certain nombre de pays le ratifient définitivement. C'est d'ailleurs pour ça que c'était tellement hâté de les faire, puisqu'il s'agissait d'y pourvoir avant la date décisive. La France signe tous les traités de désarmement au monde, supprime ses usines d'enrichissement de pierre latte et de marcoule, donc ne fabrique plus d'uranium militaire ou de plutonium, incite les autres à travers le traité Kutov à en faire autant. Donc il y a aussi, il y a quand même l'idée que le désarmement est une voie, un désarmement contrôlé, vérifié, est aussi une voie qui est proposée à nos partenaires pour éviter de retomber dans une course aux armements qu'hélas, on voit repartir, notamment depuis une dizaine d'années, dans les programmes militaires russes, dans les programmes chinois, mais aussi dans les modernisations des arsenaux américains et dans la modernisation qui viendra des Français, même si l'on a limité la taille de cet arsenal-là. Et alors, si j'en viens maintenant simplement à l'histoire nationale, et pas aux problématiques jeu international en matière de dissuasion. Vous savez, la France, elle a été, depuis au fond au XIVe siècle, elle a été envahie par les Espagnols, par les Italiens, par les Anglais, par les Allemands, donc elle a une vision définitive qui est celle de la protection de son territoire. Et l'arme nucléaire a apporté la sanctuarisation définitive. Elle a apporté l'idée que c'était la garantie ultime, que c'était l'assurance. Plus face une fierté. À la remontée. Oui, il y a quand même, il y a des éléments de statut qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a aussi une efficacité des armes nucléaires. Dans un autre domaine très politique, elle a créé un consensus qui a pu être très évolutif sur la politique de défense. Mais le consensus sur le nucléaire a d'une certaine manière fait prendre conscience à la classe politique que fallait arrêter les querelles militaires qu'on avait connues sous la 3e ou sous la 4e, parce qu'elles affectaient la crédibilité de la dissuasion nucléaire, la crédibilité de la politique de défense française. Alors cela dit, est-ce qu'on est à un moment de changement ? Parce que le paysage politique a évolué, les partis politiques ne sont plus les mêmes, les Verts peuvent avoir un point de vue, encore que quand on écoute M. Jadot, il a une position raisonnable sur la question de la dissuasion nucléaire. Donc voilà, il y a cette question-là, et puis la deuxième question, c'est est-ce que, et on voit bien que le débat existe notamment entre les Européens, est-ce que l'arme nucléaire conserve la même force de dissuasion aujourd'hui, avec les risques d'une guerre qui évolue dans de nouvelles dimensions? Ce sont les questions pour les générations futures, les générations françaises, les générations européennes, et les questions que la classe politique, qui est assez, je dois dire aujourd'hui, enfin assez peu présente, en tout cas sur la ligne de la politique de défense et les débats de politique de défense. On va avoir une élection présidentielle. C'est généralement une occasion régulière de revenir sur les enjeux de sécurité et de défense nationale et sur les enjeux nucléaires. Eh bien, cette émission aura sûrement préparé les débats de la future et très prochaine élection présidentielle. Merci beaucoup, Louis Gauthier. Le livre auquel j'ai fait référence, très précieux, que vous avez dirigé, s'appelle « Mondes en guerre ». C'est le tome 4. D'une série dirigée en particulier par Hervé Drévillon. Ce quatrième tome concerne la période qui va de 1945 à nos jours, les éditions passées, composées y ont pourvu, 2021. Très précieux aussi le livre d'André Benjebar, Histoire secrète de la bombe atomique française, paru au Cherche Midi en 2000. Samedi prochain, ce sera la première rediffusion de l'été. Nous parlerons, figurez-vous, des vacances. Ça m'a paru assez opportun. Enregistré avec Alain Corbin, le 29 juillet 2000, vacances, le désir de rivage au 18e et 19e siècle. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Nicolas Mathias, François Merlin à la discothèque, et pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, Inès Barja. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.